passe-moi donc la paramine et en même temps passe-moi la bière. Polo, t'as une mauvaise mine. Tu ressembles à Michel Drucker. Wow, wow, wow, wow. Ce qui n'est que bon. Wow, wow, wow, wow. Pour la destruction. Devant Monoprix, vas-y Raoul, passe-moi la bière. Moi je crois en l'anarchie et j'ai mangé mon père. Wow, wow, wow, ce qui n'est que bon. Wow, wow, wow, pour la destruction. Sur la tête, qui tient avec de la bière. Mon slip a une mitraillette qui tire sur les ovaires. Wow.